6h du soir. Donc si tu veux jouer avec lui, ben voilà, pour eux c'est 6h, nous faut qu'on joue à minuit, c'est rare. Hein. Moi je peux pas faire bruit à cette heure. Donc il y a des musiciens avec qui tu peux pas forcément jouer, enfin c'était pas dans un endroit tranquille quoi. Mais bon, je ferais bien un peu de basse avec lui. Là, je peux pas, ça va faire trop de bruit. Ou alors, faut partir en Amérique. Comme j'y vais tous les 4 matins. Picolé fil. Hein. Toi t'as un peu picolé trop du pirate du pinard. Hein. Ton château Lafitte. Could you play a song before I go to sleep? Because tomorrow I must work. To win a little money. To my family, my wife. Putain, je parle bien anglais. L'anglais bien pourri. Ouais, mais les Américains, regarde. Ils parlent pas français, ils en ont rien à branler, nous. Ils nous aiment bien. Ils nous ont un peu sauvé la vie dans notre temps de guerre. Même beaucoup. Mais ils en ont rien à foutre de parler français. Demande-leur un mot de français, ils connaissent rien en français. Paris. Tour Eiffel. Le moulin rouge, c'est tout quoi. Tiens, regarde. Ouais, je sais, mes parents sont partis aux États-Unis. Et ouais, ils discutaient avec les gens ils savaient pas ce que c'était la France. À Montréal, ouais. Eux, je crois qu'ils nous connaissaient un peu plus. Écoute, on va demander. And could you know French? Good night. Good night. J'avais juste envie de lui dire que nous, les petits Français, surtout dans le monde de la musique, on est tous... on veut tous faire, on veut tous chanter en anglais, on veut tous se prendre pour des Américains. On est des blaireaux, quoi. C'est vrai, regarde, le nombre de groupes qui chantent en anglais. En français, c'est presque, il n'y en a presque plus des groupes qui chantent en français. Dès que tu chantes en français, tu fais ringard. On va dire, ouais, le français, c'est pas vraiment une langue à chanter. C'est pas vrai, ça. Bon, tu vois, l'allemand, les trucs comme ça, c'est un peu space, parce que ça... L'italien, c'est joli, ça chante bien. Chanson allemande, c'est un peu quand même... Prononciation... Espagnol aussi, c'est joli. Les chansons turques aussi, c'est un peu space. Et bon, ils chantent dans leur langue, ils en ont rien à foutre, quoi. Surtout Surtout quand tu traduis les paroles, c'est là que tu te rends compte que... ils s'en foutent un peu, quoi. Torben. Il est d'où, lui? Where did you live? In USA? International. Il y en a un qui est bien sympa, l'allemand, là, Thomas. Sympa, Thomas. We try to speak English, but sometimes I prefer speak French. Normal. English is an international language. But I don't like it. C'est mignon. D'ailleurs, t'as remarqué, Phil, quand on est plusieurs Français, des fois on se fait limite engueuler, quoi. Quand on est entre Français et qu'on parle français, une fois il y a un mec qui m'a engueulé. Il m'a dit tu peux pas parler anglais parce qu'on comprend pas. Ben non, j'avais pas envie de parler anglais. Bon, quand c'est tous des étrangers, d'accord. Mais là, il y avait quand même 3-4 Français. Ouais, je te jure, le mec, il s'est énervé. Could you speak English, please? It's better. No, I don't want to speak English. I want to speak French. Because I was with my friend French. And we don't... And tu fais chier. Ah oui, oui, dernière fois, oui. Il y a des Français aussi qui vont te demander de parler en anglais, alors qu'ils sont français. Une fois, il y en a un, il parlait anglais. Puis d'un coup, il me répond en français. J'ai dit, t'es con, toi, tu peux pas me dire que t'es français, quoi. Il a attendu un bon moment, je sais pas pourquoi. Il avait honte d'être français. Ah, les Français, putain. On est vraiment un peuple de cons, je te jure. Et on est comme ça, quoi. De petites couilles, quoi. Pourtant, on est quand même pas un pays. On est un petit pays, mais bon, on s'en sort bien, quand même. Bon. MSN. Moi, ce que j'aime, c'est que j'ai même pas besoin d'écrire, quoi. J'en ai marre d'écrire. SMS, Facebook, Twitter, toutes ces conneries, en fait. Ils faisaient voir la télé, tous les mecs maintenant, ils se parlent plus, ils sont tous avec les téléphones portables. Ils sont tous en train de regarder les téléphones portables. Il y a des groupes de jeunes, des gamins, là, dans mon quartier, là. Ils se parlent pas. Ils sont entre eux. Nous, on se parlait quand même. Bon. Ils sont entre eux, ils se parlent pas. Ils sont tous en train de regarder leurs messages. Bon, limite, ils se parlent sur Facebook alors qu'ils sont en face de l'un de l'autre. T'as vu, je t'ai envoyé un message sur Facebook. Ouais, mais attends, je suis en face de toi, là. Non. Eh, mais SN, c'est fini, ouais. Non. C'est MySpace, c'est vraiment devenu merdique, MySpace. Tu te rappelles, justement, tu vois, tu parles de MySpace. Oui, j'ai eu ton mail. Oui, oui. Tu vois, Bababa. Enfin, Bababa, t'as un drôle de nom, mais je sais pas comment tu t'appelles, mais je t'appellerai Bababa. Il y a... À une époque, on était tous sur MySpace. On y passait des heures pour avoir un beau MySpace. Puis maintenant... Moi, honnêtement, j'en ai 3 MySpace, je sais même plus ce qu'ils sont devenus, quoi. On n'y va plus. Ça rame, ça bug. Avant, c'était super facile à faire. Maintenant, c'est tout pareil, quoi. T'en as pas un MySpace, toi, Philippe? À un moment, c'est la grande mode, tout le monde avait un MySpace. Puis tu regarderais le nombre de vues. Putain, ouais, quand même. Ouais, j'ai eu des visites. Et en fait, il y avait une grosse magouille sur MySpace. Il y avait des trucs pour augmenter le nombre de visites. Un petit logiciel que tu mettais, tu faisais tourner toute la journée et t'avais ton nombre de visites qui... C'est Bilos, il a l'air très technologie, lui. Babeu, tu peux jouer un morceau si tu veux. On t'écoute, hein. Fais-toi plaisir. Moi, je parle, mais je peux fermer ma gueule si vous jouez. Ouais, j'arrête le Sky. C'est pas raisonnable. Fait chier, faut que j'aille bosser demain, j'ai pas envie. Oh, c'est vrai ça? Ça, c'est dingue ça. T'as vu, il m'a dit je veux pas entendre parler de Facebook. Et toi aussi, tu fais partie des gens qui n'ont pas de Facebook. Et c'est bien. Parce que moi, je reconnais que j'y vais trop souvent sur ce truc. Puis je me demande bien à quoi ça sert, d'ailleurs. À part deux, trois potes, vraiment, des gens que je connais, que j'ai sur Facebook, mais les restes des gens, ils en ont rien à branler sur Facebook. Chacun balance son information. Il y a quand même, 10% qui partagent un peu les trucs. Sur Facebook, t'as des mecs, ils mettent leur concert, tout ça, et puis ils partagent pas ton information. Toi, t'as un concert, ils en ont rien à branler, quoi. Oui, ça, tu m'avais expliqué, ouais. J'avais pas compris. Donc c'est sérieux, cette histoire-là. Je croyais pas, moi, ça. Parce que moi, je suis tout le temps au boulot, j'ai toujours un téléphone. Pour le boulot, je suis obligé, quoi. Moi, je suis toujours avec le téléphone, mais... Bon, ils nous donnent des mains libres, je crois. Honnêtement, je fais pas gaffe à ça, quoi. Peut-être j'en ai un cancer, j'en sais rien. J'en sais rien du tout. Y compris dans le forfait, ouais. Peut-être. Si tu le dis... Ce que je comprends pas, c'est pourquoi on n'a pas tous quelque chose, alors. Moi, je veux bien te croire que c'est mauvais.